Lettre d'une anonyme à Jackie. Oui, pour mon grand frère, t'es un enfant du rock, mais tu resteras jamais mon meilleur copain du mercredi quand je te regardais à la télé en prenant mon goûter, une tartine de pain avec du beurre et du chocolat et que ma maman hurlait « Laetitia, on mange pas sur le canapé même quand il y a Jackie à la télé !» On est en pleine régression. C'est quoi pleine l'histoire régression de... Je pense Laetitia Gallet. Qui c'est Laetitia Gallet? Laetitia Gallet. C'est l'anonyme qui a fait la lettre, mais c'est pas grave. C'est une jolie lettre, Laetitia Gallet. Elle présente les informations toute la journée, et puis à 17h, c'est son dernier flash. Et... Elle craque. Elle craque, mais sur moi. Laetitia Gallet, vous savez quoi? Venez voir Jackie en studio. Ah bah oui. C'est votre rêve de gosse, venez. Elle est mignonne? Ouais, super belle. T'es super belle? Allez, pendant que vous montez au studio, Laetitia Gallet, on va écouter comment nous avons préparé avec assiduité, comme tous les jours, cette émission. C'est parti. Bonjour les amis. Salut Charlie. Alors les filles, on a trouvé des sujets. Ah bah, plein. Pourquoi les filles? Bah ouais, nous aussi on a des sujets. Mais enfin, vous c'est plus. C'est plus quoi? Non, mais ce que je veux dire par rapport à ce que proposent les filles, c'est un peu moins. Mais moi quoi? C'est moi quoi? Non, bah, alors ce que je veux dire, c'est que. Non, laisse tomber. C'est bon, c'est bon. Trouvez vos sujets, débrouillez-vous, ça va. Très bien. Allez les filles, parce qu'en plus ils bougent là. Ah, alors moi j'ai pensé au règne d'Elisabeth II. Ah bah super, une femme en plus. Une femme en plus, évidemment. Ça va. Ne les écoutez pas, on continue. Eh bien moi j'ai pensé au licenciement de Claire Chazal. Ah c'est bien, c'est une icône électroménagère, restée si longtemps. Ouais, et en plus, c'est une femme. Ah ouais, c'est une émission féministe, les femmes, les femmes. Ça va, c'est un hasard. Ah, ouais. Mon dernier sujet. Ah, ben, il y a Mireille Mathieu qui chante pour Poutine dans le Figaro. Non, ça suffit, on fait un sujet testostérone. Exactement, allez. Le foot de bodybuilding, on veut rien savoir. Voilà. Non, mais c'est très bien ce sujet, Mireille Mathieu. Mais non, c'est pas très bien, c'est nul. C'est qui l'invité? C'est Jackie. Et Michel, voilà, bam, blague de mec, testostérone. Mais non, c'est Jackie du Jackie Show et du Club Dorothée. Ah, et ben, ça tombe bien, j'ai pas mal de choses à lui demander à cet homme. Ah, ben, c'est nouveau, ça. Oui, et ben, notamment comment il a fait pour travailler aussi longtemps avec une femme comme chef. Ah, voilà. Tu me compares à Dorothée. Je te compare à Dorothée et je vais faire comme lui. Je vais faire le viso show et je déciderai tout moi-même. Bah non, et moi, Alex. Toi, Corbier, la ramène pas. Voilà. Bon, maintenant qu'on a les sujets au boulot, c'est Dorothée qui décide. Il n'y a plus de Charline et tous à votre ordinateur. Allez hop. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est Vanunacker? Bonjour la France Inter, si toutefois vous êtes resté derrière votre poste. Pardon la France Inter, pardon à tous. Vous écoutez l'émission qui éclabousse l'actualité. Et voici les trois informations qu'on nettoiera à 18h pour les rendre toutes propres à Nicolas Demorand. Allez, dans environ 2 heures, la reine Elisabeth battra le record, non pas du 100 mètres haies, mais du plus long règne sur l'Angleterre et les pays du Commonwealth. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux descendants des révolutionnaires français. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok. Au bout de 24 ans de service, TF1 se sépare de Claire Chazal. On a sué sang et eau pour délivrer la meilleure information possible et voilà comment on est remercié. Mais oui. Et en plus, j'ai un rhume. Oui. Mais vous avez toujours été pour le cumul, ça j'ai remarqué. Mireille Mathieu participe au festival des fanfares militaires. Poutine est sous le charme. Pas que lui d'ailleurs. Mireille Mathieu, c'est le surréalisme français, je trouve. C'est vrai. Elle a une coiffure comme une bite. Et je suis accompagnée de celui qui adore les fanfares, puisqu'il chante comme une grosse caisse, Alex Vizorek. C'est excellent, je vous remercie pour ce lancement brillant. Bonjour Charline Vanhoenacker. Vous préfériez un truc à base de bite? Non. Voilà, vous avez la grosse caisse. On laissera ça à Arnaud. Et autour de la table, une toute belle formation. Hein, peut-être qu'il nous fera de la musique militaire, en tout cas à 17h20. Elle choisit un seul mot et lui a sorti des musiques harmonieuses, ce qui la classe à l'opposé de Michel Sardou, qui place en général beaucoup trop de mots sur des musiques un brin pénibles. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour, le mot du jour c'est quinquado, vous savez ce que c'est? Non, c'est un quinquagénaire qui a un sac à dos. Et ben quinquado, okay, un ado, quinca. Ah ok, bah, j'étais pas loin. Voilà. À 17h20, à 17h30, c'est notre Michel Sardou à nous, car il dit ce qu'il pense. Et malheureusement, comme Michel, il pense toujours ce qu'il dit. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis intéressé aujourd'hui au thème des réfugiés. J'ai appelé des mairies pour savoir si elles étaient prêtes à en accueillir. Par exemple, Fréjus et son maire Front National. Paris, bien sûr. Non. Voilà, on a eu un petit espoir, mais non. Et à 17h40, elle viendra nous parler de science. C'est une femme des années 80, une femme jusqu'au bout des seins. Et je vous laisserai donc seul juge de l'ampleur. Bonjour Nicole Ferroni. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bah, très bien, écoutez, on verra comment les guêpes brésiliennes peuvent nous guérir du cancer. Et je me posais la question, donc ça tombe très bien. Voilà. Si tu écoutes, j'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous êtes Vous êtes l'attaché de presse de Serge Gainsbourg en 73, l'année où Sheila laisse les gondoles à Venise. Vous participez aux Enfants du Rock en 82, quand Michel Drucker lance Champs-Élysées. Vous entrez au Club Dorothée comme on entre en religion en 87. C'est l'année du premier Nulle part ailleurs sur Canal+. Et donc vous êtes, je vous laisse le dire. Je suis Jacky Jakubowicz. Bienvenue Jacky. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jacky, et aujourd'hui on peut vous voir sur IDF1. Alors, oui. Ça n'a pas encore commencé, vous reprenez bientôt. Ça a commencé, je reprends, oui. Vous reprenez. Ça a commencé en 2008, je reprends lundi prochain, oui. Voilà, sinon vous ne seriez pas ici puisque c'est en à cette heure-ci. Nous sommes concurrents. Concurrents. Oui, mais nous, on tend la main. Amis. Non, on tend la main à la concurrence. Mais bien sûr. C'est gentil. Alors, votre émission, alors le journal, alors vous pouvez dire le titre parce que le journal Jacky. Je vais vous le dire. Oui. C'est le JJDA, le Jacky Journal d'aujourd'hui. Voilà, c'est donc une émission. Voilà. C'est du lundi au vendredi entre 17h30 et 18h30. Et c'est une émission inculte qui est devenue culte. Voilà. déjà, moi je pensais que les émissions devenaient cultes quand elles s'arrêtaient. C'est José Arthur qui nous a appris ça. Pas du tout. Elles deviennent cultes quand elles continuent, justement. Surtout la mienne. Très bien. Alors, vous expliquez vous-même que vous n'avez pas beaucoup de budget. Très peu, oui. Et vous en jouez parce qu'on voit des gens qui traversent le champ de la caisse. Je fais ça dans une cafétéria. Donc il y a plein de salles de montage. Les gens traversent le champ. Vous avez toujours une poule pour cette année, oui, des gens qui tricotent derrière. Oui, une poule fermière qui s'appelle Sandrine. Mm-hmm. Pas une poule de luxe, hein, une poule fermière. Ouais. Ensuite, je lance mes jingles, je lance la pub moi-même, je chante moi-même, je fais tout moi-même. Voilà. Alors, vous j'ai vous un pas... invité, voire oui, deux quand même. Par semaine. Oui, il y en a qui viennent, même Alex est venu d'ailleurs. Oui, on s'est bien amusé. Oui, bah, je te remercie. Mais je voulais vous dire, est-ce que c'est pas vous qui êtes culte et non pas l'émission? Parce qu'une émission comme celle-là, à bout de ficelle, je crois qu'il y a peut-être qu'à vous qu'on peut la confier. C'est possible, c'est mon univers en même temps. Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Alors évidemment, vous jouez du kitsch, c'est la ficelle sur laquelle vous tirez pour, pour pallier au manque de budget, bien sûr. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a un côté, vous occupez l'antenne, parce que vous faites des trucs quand même, on se demande, on vous regarde téléphoner à l'Élysée et attendre des plombs pour avoir François Hollande. Oui, j'appelle François Hollande tous les jours. Ouais. J'appelais aussi Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Alors mais ça attend des plombs, il y a Vivaldi, etc. Oui, et on vous regarde, c'est comme une télé-réalité un petit peu. C'est un peu ça. On vous regarde vivre dans votre cage, dans votre bocal. Tout à fait, il y a l'intervieweur masqué aussi du JDA, avec un masque de cochon, je fais des interviews comme ça, il se passe plein de trucs. Et quand vous cherchez un joint de François Hollande, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Parce que quand on a François Hollande au téléphone, c'est quand même, on a quand même le président de la République, on a envie de dire un truc utile pour la France, je sais pas. J'ai rien à lui dire parce que je l'aurais jamais, de toute façon. Enfin, préparez-vous quand même. C'est ce que Julie Gayet pensait aussi, et puis c'est pareil, elle a eu. Donc c'est quoi la finalité? Vous avez, si jamais vous l'avez un jour, vous lui demandez quoi? Je lui demanderais... Une question futile et kitsch, j'imagine. Oui, c'est une question au second degré, oui, bien sûr. Oui, oui. Comme Catherine cet été, qui demandait quelle heure est-il. Voilà, tout simplement. Jacky, on vous connaît aussi pour votre passion de la musique et du rock. Oui, ça ne m'a pas quitté. C'est le versant privé de Jacky, ou bien vous travaillez toujours un peu dans ce milieu Non, c'est pas le versant. On vous entend plus sur ce sujet. Si vous regardez le JDA tous les jours, j'invite souvent des groupes de rock qui jouent live d'ailleurs. Donc j'ai encore. Non, j'adore, c'est ma passion le rock. J'ai démarré avec une émission de rock'n'roll qui s'appelait Chorus. Sur Antenne 2 avec Antoine Decaune, c'est après que j'ai fait Récréa 2, Platine 45. Platine 45, bien sûr, c'était la première émission de clip. C'était, c'était Pierre Lescure que vous avez mis à l'antenne. Oui, c'est Pierre Lescure qui m'a mis à l'antenne, absolument, avec Alain de Greffe d'ailleurs. Et on était la seule émission de clip qui. On tournait nos clips. Et aujourd'hui, vous cherchez encore des jeunes talents du rock, etc. Oui, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Je les invite même. Je les invite sur le plateau. Voilà. Mais comment vous faisiez quand vous présentiez le Jacky Show et que vous lanciez avec une telle énergie Mallory Nataf, Christophe Ripper, vous le. passionné de musique, ça a dû vous saigner un peu les oreilles quand même. Oui, mais j'étais très bien payé pour ça. Ouais, ah, c'est une excellente réponse. Là, c'est l'époque du club de Dorothée. comme on dit de nos jours, la soupe était bonne. C'était, très, très bonne. C'est un petit peu la phrase du jour dans notre bureau aujourd'hui. Quoi, vous n'aimez pas Christophe Ripper? J'adore Christophe Ripper. Anthony moi, Dupré, c'est joli. Ah, Anthony à Palavas les flots. Voilà. C'est notre génération. Quelle femme Anthony Dupré. Il en reste une. Nicole Ferroni qui vous a croisé il y a des années, Jackie. Oui, elle avait 5 ans. Ouais, elle avait 5 ans, ça pouvait... Jackie, un sirosport. Oui, c'était... C'était votre première réplique devant la caméra, Nicole Ferroni. Oui. Oui, c'est vrai, je m'en souviens très bien, d'ailleurs. J'avais la même tenue, je crois, un maillot rose à pois. Oui, oui. Bon, Jackie, on va retrouver la fibre musicale avec Otis Redding. Ça vous va, Otis Redding, par exemple? Complètement, ça me va. C'est parti, c'est un standard. Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Otis Redding, Hard to Handle. Nous sommes en compagnie de Jackie qui assume de faire n'importe quoi dans son émission, le JJDA. Non seulement j'assume, mais j'ai toujours fait n'importe quoi. Mais sérieusement. C'est vrai. Le n'importe quoi sérieusement, ça pourrait aussi résumer un peu l'esprit de cette émission. Avec autour de la table, Alex. Effectivement, il faut être nombreux pour faire du n'importe quoi. Et donc on a Mélanie Bauer, on a Nicole Ferroni et on a Guillaume Meurice autour de cette table. Table. J'ai dit table. Je termine les phrases parce que. Ah, j'ai dit table. Okay, Jackie essaye de retrouver un peu l'esprit de la libre antenne de la FM sur votre émission. Si oui, j'ai c'est bien un compris. Peu ça, oui. C'est un donc peu c'est ça. Du n'importe quoi et nous on adore ça. Allez, les maîtres mots de cette deuxième saison, hein, contenu, travail, décryptage, analyse, 360 degrés, c'est le journal. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Oui, Rachida Dati a subi un choc émotionnel. C'est le médecin du Parlement européen qui lui impose un repos forcé. Donc Rachida Dati, quand on lui apprend qu'elle a accouché 3 jours après, elle bosse. Mais quand on lui apprend qu'elle baigne dans un conflit d'intérêts, ça te la cloue au lit pour une bonne semaine. Michel Houellebecq avoue être probablement islamophobe, mais renie complètement. Regardez Julie Lescaut. Et enfin, quelques brèves pour prouver que parfois aussi, les plus courtes sont les moins bonnes. Et tout de suite, nous allons prendre des nouvelles de Rachida Dati. Effectivement, donc elle aurait subi un fort choc émotionnel suite à la confrontation avec Élise Lucet dans les couloirs du Parlement européen, allant jusqu'à consulter le médecin. Rachida est avec nous. Que vous est-il arrivé, Rachida ? Écoutez, c'est très difficile à dire parce que je me sens très très mal. Oui, pardon de vous déranger évidemment, mais qu'est-ce qui vous a tant fait souffrir ? Écoutez, j'étais très déstabilisée et une journaliste m'a posé une question pertinente. Ah, oh, le choc, on comprend. En plus, en plein dans les couloirs du Parlement européen. Mais c'est... oui, mais vous imaginez, coup de malchance, j'y vais jamais au Parlement. Mais oui, bah évidemment, on imagine. Et vous comptez reprendre le travail ? Écoutez, vous savez, je suis quelqu'un qui a l'habitude d'être surchargé. Hein. J'en veux pour preuve ma vie privée, mais là, je vais prendre le temps. Ouais. Très bien, merci. Courage, on est avec vous. Merci pour cette confession politique toujours. Arnaud Montebourg organise cette semaine 2 jours de réflexion sur le produire en France. Jeudi et vendredi, Reims accueillera donc les assises du Made in France. Le vice-président d'Habitat n'a toutefois pas précisé s'il s'agirait d'assises avec ou sans accoudoir. International. Le Brésil a annoncé qu'il allait accueillir à bras ouverts les réfugiés syriens. C'est très généreux, mais les réfugiés ont déjà beaucoup de mal à traverser la Méditerranée. Je vous cache donc pas que pour l'Atlantique, on n'est pas convaincus. On notera toutefois que Jean-François Copé a également proposé d'accueillir des réfugiés à Meaux. Ah, alors peut-être que ça peut les motiver à traverser l'Atlantique. Passons à la culture, Alex. Oui, Michel Houellebecq a reconnu qu'il était probablement islamophobe. On est en ligne avec lui. Beaucoup de vedettes aujourd'hui dans le journal 17h17. Michel... Oui, on fait avec les moyens du bord, un bout de ficelle, c'est pas vous qui allez nous jeter la pierre. Michel, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Eh bien, c'est quand j'ai relu mon dernier bouquin, je me suis dit, tiens, celui-là est probablement islamophobe, je pense. Évidemment, culture toujours. Culture, hein. Oui, le groupe Fauve annonce qu'ils feront une pause, car, disent-ils, on a vraiment besoin de dormir. Et ça, on l'avait bien senti depuis la première chanson. Science à présent. Des chercheurs russes ont découvert un virus géant et mou dans les glaces de Sibérie. Eh bien, on est content pour la science et on est content aussi d'avoir des nouvelles de Gérard Depardieu. Et on termine par un titre fort du 20 minutes ce matin. Je n'inventerai, il n'y aura pas de vanne derrière, c'est dans la Voix du Nord, il dégaine son sexe au lieu de son titre de transport. Ah, la distraction. Nous sommes en compagnie de Jackie. On va aborder le premier sujet avec vous. Ah bon, hein, parce que oui, il y a des sujets de fond. C'est sérieux, d'un seul coup, ça devient sérieux l'émission. On fait du n'importe quoi avec des sujets de fond, c'est le concept de l'émission. Donc dans moins de 2 heures, la reine Elisabeth va battre le record de longévité sur le trône britannique. Si vous voulez, elle a mis sa race à la reine impératrice Victoria, qui sera restée 63 ans au pouvoir. Alors dans ces cas-là, que dit-on ? Congratulations, Queen Elisabeth. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. C'est la playlist France Inter. On embrasse Didier Marot, Djoubaka, notre programmateur musical. D'après Manoukian, c'est de la musique minimaliste, ça se répète. Ouais, c'est donc vrai. J'ai ouais, bien c'est appris. C'est toujours la même phrase ou... Pas tout à fait, non. Si c'est vous voulez, Catherine. On, hein. On l'écoutera. Oui, c'est Philippe Catherine. Donc elle nous chie à la reine. Philippe Catherine, c'est pas votre cam, Jackie Philippe Catherine, j'adore. Ouais. Si, vous adorez. Ah, si, c'est ma cam. Je me disais bien que c'était votre. Ah, ça fait longtemps style. Que j'adore même. Ouais. Oui, absolument, depuis le premier album. Ah oui, complètement. Alors, on sent aussi chez vous, pour un amateur de rock, il y a forcément une influence culturelle anglo-saxonne. Total. Ça peut pas être. Le lien avec voilà. Le sujet, bam. C'est beau, elle est pro. Mais oui, mais elle bosse. Parfois, je me dis qu'est-ce qu'elle fait l'après-midi. Vous expliquerez. Non, reine d'Angleterre, rock anglais. Exactement. Non, alors, la reine. Est-ce qu'elle fait partie de vos monuments kitsch ? Parce qu'il y a un côté extrêmement kitsch à la reine d'Angleterre, avec ses chapeaux, ses tenues. Ah, j'adore l'allure de la reine d'Angleterre. Elle a 89 ans, non, c'est ça ? Oui, 89 ans. Et pour moi, elle peut rester jusqu'à la fin, quoi. Bah d'ailleurs, ça va être c'est, le cas. C'est une actrice, c'est un comédien, elle va mourir sur les planches, comme Molière. Elle peut rester, voilà. Effectivement, c'est prévu. Hein, donc, bah oui, c'est elle prévu. Considère qu'il est de son devoir de rester jusqu'à sa mort sur le trône, alors que même le pape Benoît XVI a lâché l'affaire, lui. Il a lâché le trône ? Non. C'est-à-dire qu'il a passé la main. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, il aurait pu... Non, mais moi je suis d'accord, elle peut rester jusqu'à la fin. Je suis tout à fait pour. Bon, bah on lui envoie un fax. Alors, Jackie est d'accord, c'est bon. Pour avoir vu quelques JJDA, j'ai l'impression que vestimentairement et dans le choix des couleurs essentiellement, il y a un vrai lien avec la reine d'Angleterre. Ah, mais je suis totalement inspiré des costumes de la reine d'Angleterre, mais je le dis vraiment sincèrement ici. Oui, parce qu'il y en a un en peau de vache. Oui, il y en a un en peau de vache, absolument. C'est vrai. J'ai fait aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est exact. Je suis très impressionné et très influencé par la reine d'Angleterre. Mais alors, je l'avoue. Mais qu'est-ce qu'on retient ? Je vais faire un tour de table. Voilà. Il y a un règne de plus de 63 ans. Évidemment, un monarque ou une reine, voilà, ça a un devoir de réserve, donc finalement on les entend pas beaucoup. Alors finalement, au bout de 63 ans, qu'est-ce qu'on retient de la reine d'Angleterre ? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on l'aime bien ? C'est parce qu'on l'entend peu par rapport aux politiciens. Il y a un petit salut nazi quand elle était enfant. Toujours sympa. Il y a une mise en pli aussi. Une mise en pli. Mélanie Bauer, est-ce que je sais pas, il y a un fait ouais. Ah bah il y a le prince Charles. Hein. C'est quand même un bel accomplissement. C'est son fils, non ? En fait, on retient de la reine d'Angleterre plutôt les frasques, les divorces. Mais non, de mais il y a enfants. Les affaires avec les Didi. Y a, voilà. Y a le fait qu'elle ne s'était pas exprimée. Mais oui, toutes ces choses-là. On retient sa famille, la famille royale. Le flegme anglais. Toute sa présentation de l'Angleterre. Alors qu'elle a adoubé 12 premiers ministres depuis Winston Churchill. Et c'est une figure pérenne dans le temps. Alors c'est rassurant ça d'avoir quelqu'un, une espèce de mère comme ça, de grand-mère, d'arrière-arrière-grand-mère. Oui, mais nous on a des rois en Belgique. Mais c'est-à-dire que chez nous ils sont assez contestés. Mais j'ai l'impression que la reine d'Angleterre, elle est quand même, elle a peu de détracteurs. Et même quand on chante God Save the Queen, on s'en moque. Mais en même temps, on la prend dans le délire punk. Donc absolument, les Sex Pistols ont chanté God Save the Queen, mais c'était pas une moquerie en fait. Non, pas du tout. Pas elle est respectée même par les punks. Voilà. Il y a pas de Guillaume Meurice anglais qui irait mettre en cause Elisabeth II. Qui aurait coupé la tête à Elisabeth II. Toi, tu la mettrais en cause, non ? Non, pas du tout. J'aime bien les mamies. Est-ce qu'ils n'étaient pas God Save the Queen, fasciste régime, les Sex Pistols, à propos de... Absolument. Ah, Mélanie Bauer. Oui, Mélanie Bauer. Oui, absolument. Mais c'est de toute façon, elle a incarné le rock'n'roll. Elle a. Elisabeth. Faut le dire vite. Bah, oui. Elle a adoubé les Beatles. Elle a Elton John, pareil. Elle a décoré Paul McCartney. Elle fait partie comme ça de cette grande histoire du rock'n'roll. Elle a accepté justement que son pays soit rebelle. En même temps, on pouvait pas faire autrement à l'époque, hein, parce que. Mais fasciste régime, c'était peut-être plutôt pour Thatcher. Hein, mais... Oui, Thatcher, t'es très, très très mal vu par rapport à... Beaucoup moins rock'n'roll, ça. Ah, beaucoup moins. Ça ne nous avait pas échappé. Nous sommes en compagnie de Jackie jusqu'à 18h. On parle un peu de tout, hein, de rock'n'roll et de politique. Les deux sont liés, hein, le rock et la politique. Ça va ensemble. Gardez Jean-Pierre Raffarin. Bon, voilà. C'est l'œuvre vivante. Qui chante du Johnny Hallyday dans le texte. Ouais, oui, absolument. Ça chante très bien, d'ailleurs. Et notre chroniqueuse musicale aujourd'hui, c'est Mélanie Bauer. Ah mince, c'est à moi. Alors le mot oui, du jour... Oui, c'est un jingle. C'est pas jingle, si. Parce que moi, je l'ai fait. Faites-moi un jingle. Mélanie Bauer, voilà. Génial. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait un jour dans ma vie. Le mot du jour, c'est donc qu'un cadeau, un terme inventé en 2013 pour humilier une fois de plus les femmes en voie de ménopause qui ne veulent pas renoncer à leur charme et à leur sexualité. Après les MILF et les cougars, voici donc la quincado, une nouvelle cible marketing targetée par les instituts de sondage. Elle a entre 45 et 60 ans, s'habille dans les mêmes magasins que ses enfants, sort dans les mêmes soirées et ne lâche pas son téléphone portable. Pour ma part, j'aimerais aller un petit peu plus loin que les simples mots du sexe faible et démontrer ce soir la responsabilité du dénommé Jackie dans l'infantilisation interminable de toute la génération X, mâles et femelles confondus. En effet, commençons par moi-même, sans Platine 45 et les enfants du rock, j'aurais probablement continué à rouler des pelles dans les booms sur du George Michael sans jamais imaginer qu'une Nina Hagen était possible. J'aurais peut-être pu, sans vous, épouser un médecin, grimper dans l'ascenseur social, devenir adulte et responsable. Mais non, il a fallu que vous frappiez en plein dans mon adolescence avec vos artistes décadents et votre liberté de parole. Et pendant que vous anéantissiez toute une génération qui aurait pu voter Giscard en 80, Raymond Barre en 88, au lieu de Mitterrand, ce gauchiste qui installait en sous-main pour vous les radios libres, eh bien vous chantiez tranquillement, un peu faux, des chansons pop. Je chante. Il y a un clavier pour tant pis derrière. Ouais, c'est pas joli, joli. Vous avez ça dans votre discothèque. Vous l'écoutez en boucle. J'adore Lio. Alors nous y voilà, en 2015, les femmes sont maintenant des quincados en jean. Les hommes sont des vieux beaux qui fantasment sur les minettes en se faisant des implants de toutes sortes. La vieillesse est devenue source de toutes les angoisses. Pensez à cette affiche honteuse du dernier Paolo Sorrentino, un youf qui s'étale dans toute la France. Michael Caine, 82 ans, a Harvey Keitel, 76 ans, reluquant les fesses d'une jeune femme tout nue dans des bains bouillonnants, tout cela porté par une musique. Et ça, vous l'avez bien compris, Jackie, la musique est la source de toutes les perversions. Une mélodie qui accompagne le film et qui semble être créée par les anges pour nous détourner encore une fois des vraies priorités de la vie, celle d'accepter notre sort d'humain périssable et de laisser leur place aux jeunes. In my room at 3rd and Center, see the pigeons perk on tall tops. Cette mélancolie de l'homme mûr, la voix de Mark Kozelek des Red House Panthers et aujourd'hui de Sun Kil Moon, le retour de Duran Duran, la magnificence de Madonna, la reformation de New Order, ces artistes figés dans la cire des années 80 qui refusent de vieillir, tout ça, c'est de votre faute, Jackie. Eh oui. Mais le pire de vos accomplissements, c'est la création d'un nouveau modèle d'artiste, celui qui a continué, malgré les crises et l'arrivée du nouveau millénaire, à danser dans les soirées revival de votre club Dorothée. Vous auriez pu empêcher cela, mais non. À cause de vous, aujourd'hui, nous devons vivre avec une nouvelle race d'inconscients, les enfultes, dont la pire des représentantes aujourd'hui est une petite blonde, une Chantal Goya sous GHB, selon les Inrocks, c'est Victorine. À la rentrée des classes, il y a une marée de garces et des garçons en glace, comme des bâtons qui passent. À la rentrée, c'est classe, au tableau, je prends place, je fais l'appel à Emmanuel. Et oui, de tout cela, je vous accuse du rock, de la pop et même du Minitel, Jackie. Et je vous dis aussi, merci. Ah, c'est mignon, c'est adorable. Merci Mélanie Bauer. Ah, c'est très bien. Moi j'ai une question, j'ai tapé qu'un cadeau donc, sur Google Images, et c'est fort intéressant. Est-ce qu'elle... C'est des femmes. Voilà, oui. Et est-ce qu'elle cherche plutôt des ados ou des quinquas par rapport à la cougar? Alors, non, des habits. Non, ce que je trouve injuste, non, ce truc, c'est que des quinquados, des mecs quinquados, il y en a quand même 250 millions. On espère bien le devenir. Et bah, voilà. Ouais. Et pourquoi ce serait forcément des femmes? C'est vous qui avez commencé vous la comme question. Ça. Alors, c'est vous qui avez commencé comme voilà, ça. Voilà, résumer l'influence de Jackie sur nos vies aujourd'hui. Tiens, une question. Bernard Minet a fait une analyse politique récemment. C'est pas possible. Dans son livre. Si. En expliquant. Est-ce que vous avez lu l'intégrale du livre de Bernard Minet? Pas l'intégrale, mais beaucoup de passages. Oui. Alors, il déclare que si Ségolène Royal a perdu en 2007... C'est à cause des biomans. Voilà, c'est parce qu'elle a critiqué Dorothée et donc toute cette génération n'a pas voté Ségolène en 2007. Alors, on voulait avoir votre point de vue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand même. On avait beaucoup d'influence sur ce genre de génération, mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas voté Ségolène Royal. On avait jeté le bouquin de Ségolène Royal à la poubelle, à l'image. Sur le plateau, ouais, je me souviens. Ouais. La violence du geste. Alors que vous auriez pu le recycler, hein. Je rappelle qu'on est à moins de 80 jours de la COP21. Je vais faire un effort. Et voilà. Allez, vous êtes sur France Inter, on est ensemble jusqu'à 18h avec Jackie. I'm not afraid to die. Rose. Et ça, Jackie, il aime. C'est votre truc. Ouais, ouais, j'aime bien. On a écouté Mountain at My Gates. Vous êtes sur France Inter. Et à cette heure-ci... C'est l'enquête. Ça travaille dans cette émission. Il y a de l'investigation, du comique d'investigation. Du lourd. Du journalisme d'investigation, ça Oui, parfois plus que les journalistes. Eux-mêmes. Bonjour, Guillaume Meurice. Bonjour. Aujourd'hui, c'est moi. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain monsieur Christ, Jésus, de son prénom. On connaît tous plus ou moins le bonhomme, hein, né en l'an 0, mort en 33 après lui-même. Dès sa naissance, sa mère perd les os, il marche dessus. Après, il la change en vin. L'eau, hein, pas sa mère. Hein. Non, on peut pas changer une femme en pinard. Sauf peut-être Véronique Sanson ou Christine Bravo, mais là, c'est un autre sujet. Et là, le sujet, c'est donc l'impact que le gars Jésus a encore sur notre société, notamment dans un parti comme le Front National, qui passe son temps à rappeler les valeurs chrétiennes de la France. Donc, la miséricorde, la compassion, etc., etc. Hein, vous avez vu, je parle en latin pour leur faire plaisir. Et ça tombe bien parce qu'avec l'arrivée massive de réfugiés et de demandeurs d'asile fuyant la guerre, c'est l'occasion pour eux de mettre en pratique la théorie. Interrogeons le maire FN du Pontet, Joris Ebrard. Va-t-il accueillir des réfugiés au nom des racines chrétiennes de la France ? Mais les valeurs chrétiennes, ça n'a rien à voir dans la politique, quelque part. Mais pourtant, c'est dans le programme du Front National. Comment ça ? Les valeurs chrétiennes de la France. Il faut arrêter de simplifier les choses comme ça. Vous êtes dangereux à dire des choses pareilles. Ah, oups, je suis désolé. Je suis désolé parce que je ne savais pas qu'on pouvait être dangereux avec une question. Je savais qu'on pouvait être dangereux avec un programme xénophobe, une fourchette aiguisée ou un CD de Florent Pagny, mais pas avec une question. Toujours est-il que Joris Ebrard n'accueillera pas de réfugiés dans sa commune, même si... Je suis catholique aussi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ah oh bah non, vous n'êtes pas très catholique. Votre démarche, elle n'est pas très catholique. Ah ben, si elle n'est pas catholique, elle est comment ? Je veux dire, il faut... Je m'étonne du paradoxe. Non, vous vous étonnez faussement. Mais évidemment que je m'étonne faussement, Joris. Évidemment, je sais bien que le FN se fout autant des valeurs chrétiennes que Vincent Bolloré de son premier licenciement. Pardon, sa première restructuration. Voyons voir plutôt du côté de ceux qu'on appelle désormais les Républicains, avec une initiative audacieuse du député-maire de Roanne, Yves Nicolin, qui a dit « Ok, pour accueillir les réfugiés, mais seulement s'ils sont chrétiens ». Alors je l'ai appelé ce matin. Est-ce que c'est très chrétien, ça, comme démarche, de trier les gens selon leur religion ? Est-ce que vous croyez que Daesh a une démarche très chrétienne ? Ah, c'est-à-dire que vous avez la même démarche que Daesh ? Non, c'est pas la même démarche. Et Daesh est là pour terroriser, moi je suis là pour protéger mes populations. Est-ce que c'est répondre à l'appel du Christ que d'agir ainsi ? Mais est-ce que répondre à l'appel du Christ, c'est d'accueillir les yeux fermés, tout le monde ? Ah, alors la question est posée. J'ai tenté de joindre Jésus pour avoir des précisions. Mais bon, si monsieur Nicolas n'a pas répondu à son appel, monsieur Christ n'a pas voulu répondre au mien. J'ai toutefois retrouvé une trace de ses paroles dans un bouquin hein, qui marche plutôt pas mal, la Bible. Il est juste au-dessus du livre de Vizorek hein, dans le classement des meilleures ventes, mais ça se joue à pas grand-chose. Et il est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, c'est sûr qu'on peut l'interpréter. Voilà, DSK, il n'a pas forcément la même interprétation que Mère Teresa, mais c'est pas marqué « triez-vous les uns les autres » ou « classez-vous les uns les autres ». Et puis, accueillir seulement les chrétiens, ça pose un autre problème. Comment vous allez vérifier s'ils sont chrétiens ? Est-ce que vous allez leur faire réciter la Bible ou vérifier leur prépuce ? Comment ça va se passer ? Quand on est chrétien, on a un nombre de références, on connaît un nombre de prières, on sait... Ah donc vous allez les interroger sur les prières ? Mais... Je ne sais pas. Mais oui, mais tu ne sais pas du tout, Yves. C'est ça le problème. En tout cas, les djihadistes qui veulent obtenir des papiers à Rouen connaissent déjà l'astuce. Hein. Il faut se déguiser en chrétien. Donc chaussures bateau, hein, pull noué autour des épaules, serre-tête pour les filles, ça devrait le faire. Mais alors, cette histoire de n'accepter que des chrétiens par peur des méchants pose également une autre question. Et si vous accueillez un chrétien et qu'il est pédophile ? Ça n'a aucun rapport. Attendez, vous êtes en train de mélanger tout et n'importe quoi. Ben, on sait que parmi les chrétiens et les catholiques, il y a des pédophiles. Non mais attendez, je vous parle de risque terroriste, vous me parlez donc de pédophilie mais ben, ça peut être un risque aussi. Du grand n'importe quoi, non. Ah ben moi je pose des questions. Oui, bien sûr. C'est une question. Oh, Yves, homme de peu de foi. Allez, pour conclure, retournons interroger un élu Front National, David Racheline, maire de Fréjus. Toujours le même discours sur l'invasion venue de l'étranger. Une invasion comme il y en a eu les siècles précédents. Ceux qui ont d'ailleurs vu les aïeuls de ce fameux David Racheline fuir les persécutions dont ils étaient victimes en Ukraine pour venir s'installer en France, n'est-ce pas David ? Des arrière-grands-parents, oui, me semble-t-il. Ah, ben alors s'il y avait eu un David Racheline à l'époque, vous ne seriez pas en France ? Vous pensez ? Ah ben je ne sais pas. Moi, Moi, vous savez, qu'il y ait une immigration pour de bonnes raisons, des gens qui veulent s'investir dans notre pays, s'assimiler. C'était le cas de votre arrière-grand-père ? Non, mais on ne fait pas de cas personnel en politique. Bah non, on n'a jamais vu un homme politique utiliser son histoire personnelle pour gagner des voix quand ça l'arrange. Jamais, jamais. Ainsi sont-ils, ces maires qui donnent une belle image de la nature inhumaine. Pas sûr que Jésus leur pardonnerait, parce que pour le coup, ils savent très bien ce qu'ils font. Merci Guillaume Meurice. Vous voyez, Jacques, vous avez promis du comique d'investigation. Ah, c'est totalement et réussi. Finalement, ah bah merci. L'investigation, le comique dans l'investigation, ça fait avancer les choses. Il est sympa, alors Jésus, tu le connais ? Bah justement, ouais. Il n'a pas répondu, donc ouais, je ne sais pas. Non. Il paraît qu'il va revenir, on attend. Bah, j'espère. Alors, en compagnie de Jackie sur France Inter. Jackie, on peut vous retrouver dans le JJDA, votre journal sur IDF1 qui recommence le 14 septembre. Absolument. Vous serez en même temps que nous, mais on mettra la télé en même temps que la... Ouais, voilà, moi je mettrai la radio. Voilà, moi je la mettrai vraiment pendant l'émission. Ah ouais, d'accord. Paris, il est capable. Tenu. Il est plus capable. Paris tenu à 17h30. Est-ce que je peux t'appeler pendant l'émission ? Mais bien, on peut envisager ça. Nous, on est des fous. On est des fous. Par contre, il va t'appeler tous les jours, c'est le problème. Et tout à l'heure, vous retrouverez la chronique de Nicole Ferroni. Mais en attendant, le deuxième sujet. Oui. Deuxième sujet, attention, heureusement qu'il nous reste David Pujadas et Jean-Pierre Pernaut. Car TF1 se sépare d'une grande icône électroménagère. Et oui, parce que chez ma mamie, je vous explique, la télé est dans la cuisine et Claire Chazal était là tous les week-ends, pile entre le mixeur Moulinex et le four micro-ondes. Ça va beaucoup lui manquer à ma mamie. Claire Chazal, une vie au service de l'information. Philippe Bondé, de Mouton Rothschild, qui est là, qui nous supporte. Bah, oui, alors ça... Ah bah oui, c'est... Les traditionnels trophées des femmes en or ont été décernés aussi cette année, donc c'est à Courchevel. C'est d'abord à Mama Galidou, l'étudiante marseillaise, quand on voulait dans l'incendie de 1906. Voilà, c'est vrai qu'elle était phénoménale, Claire Chazal. Elle était phénoménale, ouais, bien sûr. Elle n'est pas morte. Non, et une autre carrière l'attend peut-être, parce que son ami Renaud Donnedieu de Vabre, ex-ministre de la Culture, la verrait bien à un poste de ministre de la Culture. C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il déclare, ministre, ce serait un poste fantastique pour elle, qui s'intéresse à tous les arts, à la musique, la danse, le théâtre, avec une exigence exemplaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jackie ? Vous la voyez ministre de la Culture ? J'aime bien Claire Chazal. Mm-hmm. J'ai eu l'occasion de la croiser quand j'étais moi-même sur TF1, avec le Club Dorothée. Non, je ne la vois pas ministre. Mais je pense qu'elle n'en a pas envie non plus, quoi. Je pense qu'elle va rebondir sur une autre chaîne. Si elle avait voulu faire de la culture, elle serait peut-être pas restée sur TF1. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'en vois bien sur D8, par exemple. On touche pas à mon poste. Alors, elle aura quand même tenu 3 ans de plus que PPDA, qui avait fait 21 ans, elle 24 ans, à faire la même chose au même moment, au même endroit. Moins que la reine d'Angleterre, quand même. Toutefois, moins que la reine d'Angleterre. Est-ce que ça peut forcer le respect, ou on se dit quel sens ça a, finalement, au bout de 24 ans, vous qui êtes resté aussi longtemps à TF1 je suis resté 11 ans à TF1, 10 ans sur France 2. C'est quand même pas mal. Oui, il y a un certain respect, mais je pense qu'à TF1, là, ils sont atteints peut-être de jeunisme aussi. Ils veulent peut-être une présentatrice un peu plus jeune. Ils sont surtout atteints de chute d'audience aussi. De chute d'audience aussi. Mais est-ce que c'est de sa faute si l'audience est si faible que ça ? Pendant les gens du week-end. Je crois pas, moi. Je crois pas. Je crois pas que ce soit uniquement. On peut pas se griller avec TF1, on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, on parle de ma mamie qui boycotte. Ah bon désormais. Si tu parles de Jésus sur TF1, tu restes deux secondes. Merde, je suis foutu alors. Je peux dire que c'est des cons alors. En même temps, on peut peut-être en passer PPD au Guignol. Oui, c'est une bonne idée. Comme présentatrice, voilà. Et pourtant, il y a eu un gros lobbying de Paris Match chaque année pour la rendre chaque année de plus en plus jeune. Qu'un cadeau. C'est un lobbying de Photoshop. Oui, c'est un peu Photoshop. Chaque année, il y avait la une de Paris Match. Moi, juillet. Chaque année, de plus en plus jeune. Ouais. Mais est-ce qu'elle ne représente pas la française comme certaines françaises d'une certaine génération avaient envie d'être un côté Inès de la Fressange comme ça ? Parce que moi, je l'aime bien. Avec des étoiles dans les yeux. Mais oui, moi aussi, je l'aime bien. Elle a une certaine classe, quand même. Vous voyez, Jacques et moi, on est d'accord. Oui, on est tout à fait d'accord. Isabelle Bonne, dans Le Parisien, qui a 56 ans et qui pose une grande question. Est-ce qu'elle ne commençait pas à coûter trop cher ? Ça, on ne sait pas. Investigation, Guillaume. J'irai vérifier ça demain. On ne sait pas. Surtout si elle n'allait pas à toutes les réunions. C'est peut-être comme faux, elle a besoin de dormir, on ne sait pas. C'était cher que pour le week-end, c'est ça ? Jackie, vous allez retrouver Nicole Ferroni, que vous aviez croisée il y a longtemps pour une pub Cirosport. Oui, elle avait 5 ans à l'époque. Et là, vous le retrouvez. C'est ça, mais j'ai la même fraîcheur. Oui, c'est vrai. Exactement. Oui, alors moi, Nicole, tu n'as pas changé. C'est bien gentil, c'est bien gentil, même si c'est un mensonge. Moi, c'est aujourd'hui, mensonge. Mais là, il faut me laisser quand même parler, Jackie, parce que après, on rend l'antenne. Alors, c'est intéressant. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais parler du cancer, parce que comme c'est un sujet grave, je trouve qu'on ne fait pas assez de blagues là-dessus. Et du coup, ça donne un peu une double peine aux personnes qui traversent un cancer, parce que déjà, elles sont dans une épreuve difficile, et qu'en plus, elles sont exclues de blagues stupides, ce qui est un peu dommage. Surtout que voilà, je vais parler d'une potentielle solution. Alors, bien sûr, pour comprendre une solution, il faut déjà comprendre le problème. Mm-hmm. Et pour comprendre le problème, il faut déjà savoir ce qui se passe quand il n'y a pas de problème. Donc, en temps normal, il faut savoir que dans notre corps, les cellules qui le forment sont vraiment dans une certaine stabilité. C'est-à-dire une carrière professionnelle s'est définie sur du long terme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité de l'emploi. Vous avez des cellules de peau qui travaillent toute leur vie à être des cellules de peau attachées à d'autres cellules de peau, produire la kératine qui forme la peau. Tandis que d'un autre côté, vous avez des cellules de sein, bien sûr, pour celles qui en ont, qui passent toute leur vie à être avec d'autres cellules de sein, former des glandes mammaires et produire du lait. Voilà. Donc en fait, on a vraiment ce statut défini et finalement, ben voilà, les cellules se plient à un cadre social assez rangé et sont un petit peu comme des fonctionnaires, mais sauf qu'elles fonctionnent. Ce que va bien sûr en fait rejeter la cellule cancéreuse qui, comme Guillaume Meurice, rejette l'autorité. C'est-à-dire que sous l'influence de pesticides, la cellule cancéreuse, par exemple, un pesticide va péter un câble et faire un espèce de retour en puérilité. Et donc elle fait à son propre corps finalement ce qu'une adolescente ferait à sa propre famille, à savoir lui faire honte et lui faire mal. Donc la cellule cancéreuse arrête de travailler, elle fugue, elle baise, elle fait n'importe quoi. La cellule de peau, par exemple, qui se transforme en mélanome, au lieu de travailler comme cellule de peau, donc comme je disais, excusez-moi l'expression, elle baise entre guillemets sans capote, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle va faire des bébés, se multiplier et s'auto-créer une foule de potes qui lui ressemblent, c'est-à-dire qui, comme Guillaume Meurice, sont tous des anarchistes inconséquents, qui ne travaillent pas mais se nourrissent quand même, donc vident le frigo sans le remplir, et puis se cassent, et c'est ça qui est grave chez les cellules cancéreuses, c'est que comme les ados en rébellion, elles fuguent, elles coupent les ponts avec leur famille d'origine, que ça soit la peau, le sein, les prostates, et migrent ailleurs où elles forment d'autres bésodromes, des centres d'extase, qu'on appelle des métastases, et font finalement du corps une espèce de fête Facebook géant, comme dans le film Projet X, où tout le monde fait n'importe quoi, et où du coup, au final, la maison, c'est-à-dire le corps se retrouve démuni tant qu'on n'arrête pas ses racailles, parce que c'est vraiment ça. Les cellules cancéreuses, ce sont des racailles. Le problème, c'est que ce sont des auto-racailles, c'est-à-dire que les ennemis ne sont pas des ennemis extérieurs, c'est des cellules du corps lui-même, et donc l'ennemi, c'est un peu nous-mêmes. D'où la difficulté dans la lutte du cancer de trouver une substance qui tue les cellules cancéreuses sans tuer les sœurs jumelles, c'est-à-dire les cellules normales qui, elles, bossent correctement. Et cette semaine, la science nous a trouvé le Saint Graal, c'est-à-dire une substance qui pourrait tuer uniquement les cellules cancéreuses, à savoir du venin de guêpe brésilienne. Car comme nous explique donc la revue scientifique de Biophysical Journal, il existe une guêpe brésilienne, donc elle est reconnaissable au fait qu'elle est le plus souvent transsexuelle, un string sur un bronzage assez prononcé, et que en lieu et place du bzz classique, on entend le tut-tut-tut-tut-tut quand elle vole. Alors, cette guêpe appartient à l'espèce Polybia polista, on peut donc aussi l'appeler Popol, et elle produit un venin qui contient une molécule nommée MP1, qui a cette propriété de reconnaître la cellule cancéreuse, parce qu'elle reconnaît son caractère bordélique. En effet, chez une cellule membrane, une cellule normale, la membrane qui forme le pourtour de la cellule est bien rangée, c'est-à-dire qu'il n'y a que sur le feuillet interne qu'on retrouve ces fameuses phosphatidylsérines, alors que chez la cellule cancéreuse, elle se retrouve à l'extérieur. C'est dingue, gros délire, vous voyez. Et donc, les scientifiques brésiliens ont constaté que le MP1 du venin brésilien, c'est-à-dire le MP1 da Venus da Brasil, quand il rencontre des phosphatidylsérines à la surface extérieure d'une cellule, donc cancéreuse, donc bordélique, ce MP1 va produire des pores, alors pas pores, PORC, mais pores, PORE, et donc, c'est-à-dire des trous qui vont détruire les cellules cancéreuses, uniquement celles-ci. Et c'est ainsi que la guêpe viendra à bout du crabe, d'où l'expression « pas folle la guêpe, mais follement sympa ». Oh, voilà. Le cours de SVT du mardi. Exactement. Mais t'as pas changé, hein. Depuis la pub Cirosport. Ouais. C'est trois fois qu'on dit Cirosport, c'est super. Ça n'existe plus de toute façon. Non, plus. Nicole Ferroni, on vous retrouvera demain à 8h55, demain matin dans la matinale. J'ai pas écrit encore ma chronique. Il faut pas le dire. Mais c'est qui en face, vous Je crois que c'est Monsieur Barouin. Oui, c'est tout à fait. Je vous le confirme. Bah, c'est bon, tu peux faire François Barouin, tout à fait. C'est le maire de Troyes, c'est ça? Et le président de l'Association des maires de France. Ah, c'est ça, exactement. Et voilà. Allez, troisième sujet avec vous, Jackie. Oui. C'est une spéciale femme aujourd'hui. Hein. Mireille Mathieu. Nous, quand on trouve un sujet avec Mireille Mathieu, on n'hésite pas. Mireille Mathieu fait marcher le Kremlin au pas. Elle est reçue comme une tsar à Moscou. Pour la 7e année consécutive, elle participe au festival des fanfares militaires. C'est intéressant. Oui. En France, elle a de moins en moins de fans, excepté, vous savez qui, hein. Il y a quelque chose que je suis très attaché, c'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Que la paix soit sur le monde. Ah, et bah, oui, parce que Mireille Mathieu, un peu, ça va. C'est la 6 ou la 7e fois qu'on termine Mireille Mathieu dans cette et puis, émission. Pour la paix sur le monde, c'est toujours pratique. Alors, elle a charmé les adolescents russes, Mireille Mathieu. Si, c'est la propagande. Non, mais, non, elle peut charmer que les adolescents. Écoutez, c'est un article du Figaro aujourd'hui. Elle a charmé les adolescents russes, sauf que ce sont eux qui aujourd'hui occupent des postes, des hauts postes dans l'armée, la police ou la justice. Elle lui charmait des adolescents russes, c'est ça alors, que vous vouliez dire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, Jacques? Oui, je pense, oui, je vois très bien où vous voulez en venir, mais il faut bien qu'elle charme... Mais vous ne voulez pas m'accompagner là où je veux en venir. Je veux bien ne aller avec vous. Ne pas se fâcher. Je veux faire un petit tour avec vous. Rendez compte, mais non, mais ils sont fans d'elle, je ne sais pas, elle pourrait avoir un message de paix autre que Louis Lecombe, elle n'a aucun message, Mireille Mathieu, je pense. Oui. Elle plaît à Poutine aussi beaucoup. Hein. Oui, oui, elle n'est oui, pas oui, très ado, Poutine. Hein. Alors, elle a été décorée par le chef de l'organe qui est considéré comme la police politique. Et Poutine l'a d'ailleurs présentée à Kadhafi. Alors, étonnant que Sarko ne l'ait pas fait avant. Est-ce que Poutine l'a présentée à Depardieu aussi? Alors ça, je ne sais pas. Ah, il oui. y a un côté kitsch à Mireille Mathieu qui ne doit pas vous déplaire. Ah, non, j'adore, mais elle ne le fait pas exprès, je crois. C'est ça le problème. Non, c'est vrai. Bah mais... oui, mais moi je oui. C'est le symbole du kitsch en France, non maintenant Mireille Mathieu. Ouais, enfin moi j'aime pas du tout personnellement Mireille Mathieu. C'est étonnant. Pas... Quand oui, c'est un vocaux musicaux. Pour les enfants si, du rock jamais. Si on va dans la rue et qu'on demande aux enfants de 15 ans, ils savent qui c'est Mireille non, Mathieu. Non, moi je pense qu'ils connaissent pas Mireille Mathieu. Je pense non. Pas non plus. Ouais. Alors vous savez, alors c'est un article du Figaro qui explique qu'elle se signe avant son tour de chant. Elle se saigne plutôt bien. et elle se balade. Attendez, elle se balade en tournée avec une photo de Jean-Paul II. Non. Ah, non, alors là, il y a un truc qui cloche. Mais on en a connu deux depuis, quand même. Mais il avait quelque chose qui touchait. Oui, trouvez-nous à défendre Mireille Mathieu. Non, alors non, autant sur Claire Chazal, je me suis battu. Autant sur Mireille Mathieu, elle vous ferait du grain. Physiquement, Jean-Paul II, il est pas mal. Elle a les cheveux brillants. Elle a toujours la même coupe. Elle a toujours la même coupe. Elle a l'accent du Sud. Oui. Et ça, c'est bien. Ça donne une chaleur. Et comme le dit Guy Bedos, elle est là où on la pose. Voilà, c'est au milieu de la place rouge avec la fanfare à côté. Musicalement, Mireille Mathieu, Mélanie Bauer. Ah, j'adore, moi. Alors, une chronique est envisageable un jour. Franchement, je préfère à 200 000 lieux Nana Mouskouri. Si je puis dire aux gens, écoutez Nana Mouskouri et pas Mireille Mathieu. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis. Nana Mouskouri, elle est. Non, mais en termes de rayonnement international, de longue carrière. Nana Mouskouri est intelligente. Alors, Jackie, vous savez quoi, on va vous faire travailler un petit peu. Ça dépend. Vous n'allez reprendre le JJD. Qu'à partir du 14 septembre. Oui, donc j'ai le temps, Oui. Mais là, on vous fait bosser. C'est l'heure du sketch. Et alors aujourd'hui, je vous emmène, parce qu'on l'a dit, Claire Chazal a été remplacée par Anne-Claire Coudray à la présentation des JT du week-end. Et donc, où elle a filé? Dans la fameuse maison de retraite de TF1. Un lieu qu'on ne connaît pas et que vous. Ah, bah, je connais. Ben, je sais. Je connais très bien, j'y suis avec Dorothée. Là. J'y retourne d'ailleurs. Et c'est vous qui la tenez, cette maison. C'est votre rôle. Vous avez tout ce qui est souligné en vert. Charline fait Claire Chazal. Bonjour, je suis où juste? Bonjour Claire, c'est Jackie, je suis super content de vous accueillir. Et m'accueillir où? Bah à la maison de retraite de TF1, bienvenue. Ah bah j'aurais bien attendu un peu plus longtemps moi. On aurait tous aimé, mais TF1 préfère vous arrêter avant que vous ne fassiez dépasser par le JT de François. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Anne-Claire? Bah le Anne. Ah très drôle, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ici il y a tous les anciens de TF1, c'est ça? Ah oui parfaitement, on est tous là, hein. Denis Fabre, Evelyne Leclerc, Alexandre Debanne, Dorothée. Oui, bah, mais moi je travaille encore, je suis encore sur Radio Classique. Ah, bah c'est parfait, tu peux enregistrer tes émissions depuis ici, il n'y a aucun problème. Ah bon, pourquoi? Bah, on est dans une maison de retraite, les auditeurs de Radio Classique sont à l'étage d'en face, d'en dessous, pardon. Le million mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est Philippe Risoli, Pierre Appel à Boule. Ouais, et vous faites quoi toute la journée alors? Bah, on attend les suivants. Là, on attend Jean-Pierre Foucault. Ah bon? Pernaud, pardon. Ah, oui. peut-être aussi. Mais Foucault aussi, remarque, on peut dire Foucault. Il viendra pas? Bah pourquoi? Bah non, parce qu'il est aux Seychelles depuis 2009. Non, bah le 13h alors. Bah, ce sont des redifs depuis 6 ans, hein, personne ne remarque rien. Enfin, bon, sinon, tout le monde finit ici, en fait, c'est ça. Enfin, ici ou sur la TNT, hein, Julien Courbet, Benjamin Castaldi. Et ils sont en train de construire en face, c'est ça? Ah, ouais, là, c'est la maison d'entraide de Canal+. Ah bon? Ah, oui, ils annoncent 300 arrivées d'ici la fin de l'année, dont 150 marionnettes, essentiellement des politiciens de droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah aujourd'hui on regarde tous ensemble le VHS de Christian Morin. Allez, asseyez-vous. Non, c'est pas... moi j'aime pas la roue de la fortune parce qu'elle tourne. Merci. Merci Jackie d'avoir joué le jeu avec nous. Mais je vous en prie. Vous êtes toujours Jackie en fait. On vous donne un rôle, vous êtes Jackie. Moi je suis Jackie. Ben oui, mais non, tout de suite. Tout de suite dedans. Bah oui, il y a un paquet de gens qui continuent à vous reconnaître, à vous dire que ils ont, vous avez bercé leur adolescence. Ah bah c'est la phrase, je l'entends, je sais pas, ça vous, mille ça fois vous, par jour. Ça vous lasse pas, ça va tout du va tout, bien, c'est le service après-vente, c'est sympa. Donc on va pouvoir retrouver le JJDA sur oui. IDF1, hein, donc l'esprit IDF1, c'est... Oui, c'est un esprit... Oh, vraiment, pas cher. Ouais. Pardon ? C'est un esprit pas cher, déjà. C'est un esprit cachère, plutôt. C'est un esprit kitsch. C'est un esprit kitsch. On vous retrouvera à partir du 14 septembre à oui. 17h30 tous les jours. Et on a dit qu'un jour, on s'appellerait, donc. Hein. Ah, mais puisque, je vous appelle, puisqu'on en a décidé, ouais. vous et moi, de faire n'importe quoi. De ouais. faire un peu et de la libre antenne. Et on va continuer à faire n'importe quoi. Si Hollande ne répond pas, Vanu Naker va répondre. C'est vrai ? Oui. C'est promis ? Merci, c'est promis. Oui, oui. Bah, merci à merci vous, c'est à... hyper sympa. Merci, Jackie. Merci, Nicole Ferroni. Merci, Guillaume Meurice. Merci. Mélanie Bauer. Merci, Alex Vizorek. Je vous dis à demain, mais je sais pas si vous allez tenir, parce que c'est qui vient. Avec Thomas Dutronc. Oh, mais laissons la main, laissons la fin, le mot de la fin, à Claire Chazal. On a sué sang et eau pour délivrer la meilleure information possible, et voilà comment on est remercié. Mais oui. Et en plus, j'ai un rhume. Oui. Mais vous, vous avez toujours été pour le cumul, ça oui, j'ai remarqué. Toujours.